poser comme des Legos, je veux qu'on se laisse un peu d'espace. Je ne squatterai plus les rues de ma peine. Quand je suis perdu, je veux que tu me ramènes. Je veux qu'on aille bien, je veux qu'on aille loin et qu'on traîne. Je ne squatterai plus. De Amir et les rues de ma peine, comme ça sur la plus normande des radios. Il est 18h51, j'espère que vous allez bien les amis. Restez bien branchés, le programme télé de ce vendredi, c'est tout de suite. Et juste après, je vous cale Beverly Knight pour un petit Made It Back. A tout de suite les amis. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 26 octobre. Ce soir sur TF1, comme chaque semaine, des pitines enfants viennent chanter. Ils ont entre 6 et 15 ans, sont maquillés comme des camions volés, ce qui gâche un petit peu le truc. Hein. Ça manque de naturel tout ça, hein. Sans parler des phrases à la noix, genre « je vais tout donner, hein, c'est la chance de ma vie ». Bon, et déjà, apprends à lire, écrire et compter, et après on parlera musique, un petit bonhomme. 23h15, vendredi, tout est permis avec Arthur et ses poulains, car oui, il invite la plupart des artistes qu'il produit sur scène, et ce soir, c'est une spéciale à la ferme. France 2, on l'appelait Ruby, un téléfilm français qui se passe dans la belle région du Pays Basque. Une ado est retrouvée morte, mais qui a pu faire une chose pareille? France 3, un documentaire sur l'un des plus grands poètes et chanteurs français, Jean Ferrat. 22h55, le divan de Marc-Olivier Fogiel avec Lio qui vient s'allonger à côté de lui. Bon, hé, généralement, t'as pas trop besoin d'insister parce qu'elle est chaude comme une baraque à frites. Canal Justice League, c'est Batman qui essaie de sauver le monde, puisque Superman est mort. Quoi ? Il est mort, Superman, et personne ne m'a prévenu ? Non, c'est comme si on me disait que Casimir n'était pas réel, je peux pas y croire. Arte, tout pour ma fille. Une femme apprend que sa fille est atteinte d'une tumeur. Le genre de film qui m'angoisse et que je n'ai pas du tout envie de regarder le soir. M6, bulle toute la soirée avec des inédits et des rediffs. Le meilleur de la TNT, C8, Jean-Luc Lemoyne est en prime avec l'une des dernières de TPMP refait la semaine, puisque cette émission va se retrouver à 19h. On dégage Mathieu Delormeau pour laisser place au talent Jean-Luc Lemoyne. 22h40, balance ton poste avec Hanouna qui prouve une fois encore qu'il est très bon et qu'il s'adapte parfaitement en fonction des sujets traités. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Back in time. Écoutez le meilleur des souvenirs. Oh, sur Espace. Surfez sur les années 90. Espace 90. Il est 18h57, les amis, c'est terminé pour moi et pour aujourd'hui et pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Voici Tribal Jam, Remind Me. Excellent week-end tout le monde. Ciao, ciao. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus sur Espace en Normandie, en Picardie. Il est tout juste 19h, c'est parti pour le Punch Show spécial Halloween. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La préfecture du Finistère a annoncé que 5 personnes ont été incommodées la semaine dernière par une exposition au métham-sodium dans le département, mais leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation. Le gouvernement a décidé plutôt de suspendre l'utilisation du métham-sodium, ce pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâches jusqu'à fin janvier 2019, après la survenue récente de plusieurs cas d'intoxication de personnes lors de traitements phytosanitaires, selon un décret publié aujourd'hui au journal officiel. Un homme a été tué et 14 personnes blessées, dont 12 pompiers, dans un incendie qui a ravagé ce matin un entrepôt dans une zone industrielle de Saint-Paul dans l'ouest de la Réunion, se propageant à des entreprises voisines. C'est une étincelle provenant d'un poste à souder qui aurait mis le feu à des cartons. L'un des hommes qui travaillait sur les lieux est mort piégé par les flammes. Des pompiers ont été blessés en lui portant secours et d'autres incommodés par les fumées. Le parquet turc a lancé une procédure d'extradition contre 18 Saoudiens soupçonnés d'implication dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Justice. Le parquet d'Istanbul a remis les noms des 18 suspects au ministère de la Justice qui les a à son tour transmis au ministère des Affaires étrangères pour que la demande d'extradition soit adressée aux autorités saoudiennes par les canaux officiels, a précisé le ministère dans un communiqué. Une personne a été arrêtée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump, selon un porte-parole du ministère américain de la Justice. C'est la première arrestation depuis le début de l'enquête, alors que le nombre de colis suspects retrouvés depuis lundi est grimpé à 12 ce matin. Ce 12e colis était destiné à James Clapper, directeur de la National Intelligence sous la présidence de Barack Obama. Enfin, l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, s'est vendu à 780 177 exemplaires en une semaine, un chiffre historique et un record en France pour un démarrage. Au terme de son premier jour de commercialisation, l'album avait déjà atteint des sommets avec 300 000 ventes physiques et il était devenu disque de diamant en 3 jours. Espace, Espace Radio. Non, non, la spéciale Noël, c'est dans 2 mois. Aujourd'hui, dans l'Open Show, c'est totalement l'inverse. Vous aimez avoir peur? Alors soyez les bienvenus dans l'Open Show spécial Halloween. Dans l'Open Show spécial Halloween ce soir. On va se faire peur tous ensemble avec notre équipe qui est là. Vous êtes, ça va? Moi, ça va super bien. Ah, toujours super. Fidèle au poste. Alors, cette équipe, je vais vous la présenter comme d'habitude. Nous avons celui qui est un peu comme notre deuxième papa à la radio. Vous avez des soucis de branchement, quel qu'il soit, appelez-le. Mais il faut le dire, s'il n'était plus là, nous serions un peu comme Tchoupi sans son doudou. C'est Mister Labricole, ouais. Ça va, Mickaël? Ça va. Prêt pour cette spéciale Halloween? J'ai peur. Pour toi en fait. Ah bon, pour moi, pourquoi? Je sais pas. Tu verras plus tard. Mon petit doigt qui me le dit. D'accord. Ensuite, le prochain de cette équipe, c'est le petit dernier arrivé ici. Il est arrivé tel un ange tombé du ciel. Et depuis, on le surnomme le dieu vivant. CF, son nom de famille. Ça va, Louis? Ça va super, et toi? Tant d'éloges. Ça va super. Et tant d'éloges, c'est incroyable. Et oui. Et ce soir, présence exceptionnelle dans cet Open Show spécial Halloween. Je prête mon micro, attends. Et ouais, il nous fait l'honneur de sa présence dans cette émission. On pourrait parfois le confondre avec Hagrid d'Harry Potter, mais c'est comment dire, la vieille vanne pourra qu'on a fait 2000 fois. Ça va. On pourrait le confondre. Oh, le jeune, il croit qu'il va me la mettre à l'envers. C'est un peu comme une étoile de la FM, l'un des plus grands. Il vous fait marrer tous les jours dans son programme télé. C'est David Leroy. Bonsoir, David. Bah, comment ça va là? Ça va, David? C'est un minimum pour m'accueillir, je vous l'accorde. Ah ben oui, c'est l'un des plus grands. T'es prêt, toi, pour cette spéciale Halloween ce soir? Mais je suis toujours prêt, moi. D'accord. On va te faire participer à pas mal de choses et t'interviendras notamment à 19h20 pour nous parler de tes trucs paranormaux. Oui. Et notre invité de ce soir, là, totalement autre chose. Nous partons vers les associations un petit peu de la région. Et c'est Giorgio Loiseau, président de l'association Loiseau Bleu qui lutte contre l'autisme. Bonsoir, Giorgio. Bonsoir, Dorian. Ça va? Ouais, très bien. Prêt pour cette spéciale Halloween avec super, nous? Ouais. Et on parlera de Loiseau Bleu à 19h40 et à 20h40. Donc reste avec nous. Il y aura aussi dans cette émission les actus de Louis spécial Halloween, avec notamment des lieux hantés dans la région. Je ne sais pas si on peut appeler ça les actus, mais tu vas bien pleurer ce soir, je peux te le dire. T'inquiète pas, il y aura évidemment le grand défi, on ne peut pas en dire plus pour le moment. Le jeu d'équipe qui arrive dans quelques instants, les pires covers, on vous donnera quelques idées de sortie dans la région sur le thème Halloween. Soyez les bienvenus et je tiens à remercier Valérie et Louvanim qui nous ont offert toute la décoration du studio. Vous pouvez voir ça, je viens de vous poster une photo sur les réseaux sociaux, Facebook, Espace Normandie. On démarre en musique avec Z et L.A.D.U. et c'est Happy No, passez une très belle soirée. Somewhere in the crowd, in a foreign place, are you happy now? There's nothing left to say, so I shut my mouth. So won't you tell me, babe, are you happy now? You're the only one who can up and run, leave me just as empty as a day. Lonely, you're a world away, somewhere in-

Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez dans l'Open Show ce soir, c'est spécial Halloween avec un super studio décoré par nos amis de l'association Louvanim. Alors avant de passer au jeu d'équipe, j'ai quelques petites infos à vous donner. Vous pouvez nous appeler maintenant sur le standard 02 32 25 3000 pour nous dire ce que vous pensez du paranormal. Et si vous avez déjà vécu une expérience de ce type, n'hésitez pas à nous la raconter. Donc appelez-nous maintenant 02 32 25 3000. Oui. La première expérience paranormale que j'ai eue, c'est quand je t'ai vu la première fois. En fait. Ça y est, on rentre dans la vague. Elle choque tout le monde de façon cette expérience. C'est cadeau, ça me fait plaisir. Bah pour moi, la première fois que je suis arrivé dans cette radio. Voilà. La première fois que je suis arrivé dans cette radio, ouais. Tu sais, j'ai eu peur en vous voyant porte, tous. Ouais, en plus, la porte fait peur. Bref, maintenant, passons au jeu d'équipe. Fait peur ce truc-là. Petit cri d'Orient, c'est toi qui as crié là, on le sait. Peut-être. Maintenant, on va passer au jeu d'équipe. Et Louis, je vais te laisser le soin de nous expliquer tout ça. Alors oui, parce que si vous avez suivi la première mission, vous savez que je me suis pris une belle tronche, enfin de la chantilly dans la tronche, et c'était fort désagréable. Donc c'était cette drôle. Fois-ci, c'est Mickaël et Dorian qui vont s'affronter. Mickaël, tu ne seras pas épargné, puisque eh bien, à la fin de ce jeu, le perdant devra boire quelque chose d'intéressant. C'est une mixture composée de confiture de fraises, oula, de bananes écrasées, du chocolat râpé et de la moutarde de Dijon extra forte. Ah. Ben c'est sympa ça. Oui, c'est toi qui vas la boire surtout. Non, pas du tout. Donc je vais vous expliquer le principe du jeu très rapidement. Vous allez devoir vous raconter une histoire paranormale que vous avez vécue ou non chacun, et vous de l'autre va devoir deviner si cette histoire est vraie ou fausse. S'il se trompe, il gagne le point. S'il a raison, il gagne le point. Enfin, il perd le point. Du coup. Enfin, c'est inversement. Bref. Bah oui, bah, on a voilà. Tous compris. Bah, voilà, oui, c'est, voilà. Plus, c'est voilà. Plus important. Hein. Qui commence? Vas-y Dorian, je te laisse la très main. Très bien. Alors, je vais raconter mon histoire. C'était en soirée, il y a 3 ans de ça. On était entre potes à une soirée d'anniversaire. On a décidé de faire du Ouija. C'était dans une grande salle des fêtes assez qui fait peur. Et du coup, on a voulu faire du Ouija. Et là, d'un coup, toutes les lumières se sont éteintes et on a vu des ombres apparaître sur les carreaux. Cette histoire est-elle vraie ou fausse, Mickaël ? Fausse. Je suis au regret de t'annoncer que c'est vrai. Ouais. Parce que provenant de ta part, t'aurais flippé, tu serais parti en courant. Mais c'est alors, ce que j'ai fait. C'est ce qu'il a fait. Surtout que j'étais présent à cette soirée et que quelqu'un avait mis un sur son téléphone un bruit avec un bruh comme ça énorme dans le fond de la pièce. Donc Dorian était un peu. C'était un fake en fait. Peut-être, mais ils ont réussi à me faire flipper. Comment on va vous faire flipper ce soir, cher. Donc pour l'instant, c'est Dorian qui gagne le point. Mickaël, à toi de raconter ton histoire. Alors moi, c'est pas vraiment paranormal, mais un peu bizarre en fait comme histoire. Donc j'étais dans la campagne, je devais me rendre dans un village. Et donc je cherche l'adresse, je fais un premier tour, et puis les routes sont petites, et je passe une première fois sur un pont, mais le pont c'est une voiture à la fois en fait. Je fais un premier tour, je trouve pas l'adresse, je veux refaire un deuxième tour, et en fait en repassant sur le pont, il y avait une voiture qui était arrêtée, d'accord, mm-hmm. Toute seule comme ça, moteur tournant, d'accord. Je descends du véhicule pour aller voir ce qui se passe, et en fait il y avait une personne à l'intérieur, la tête sur le volant en fait. D'accord. C'est... J'ai frappé plusieurs fois au carreau. Ouais. Et à un moment donné, il reste 40 secondes. Et la personne s'est réveillée. J'ai demandé ce qui se passait. Il m'a dit, je sais pas. Puis après, il est reparti. D'accord. Je dirais que c'est faux. Ben non, c'était vrai. Ah mince. Ouh, un partout. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'il reste 30 secondes. Donc la prochaine nappe, on a 5 minutes 30, on a large le temps, on va continuer ce jeu, le suspense continue, tant pis quoi. Ce qui va se passer, c'est qu'à la prochaine nappe, tout simplement, Dorian ou Mickaël, on va tirer au sort vite fait, va raconter une histoire et ce sera le point décisif. Très bien, on voit ça dans quelques minutes. Pour l'instant, on va repartir en musique et ce soir, pour cette spéciale Halloween, on a des places de cinéma à vous offrir pour le cinéma des Andelys, des places valables jusqu'au 9 novembre, donc c'est toujours intéressant. Appelez le 0950 35 50 50 et on vous offre ça dans la semaine. Pour l'instant, on repart en musique avec Boulevard Désert, je me dis que toi aussi. Merci d'avoir choisi l'Open Show ce soir sur Espace. Et qu'importe le vent, et j'avance en titubant, oui j'avance en titubant. Comment te dire ce que je ressens, comment faire pour faire autrement que ça. Qu'importe le bruit, et qu'importe la pluie, et j'avance dans la nuit, oui j'avance dans la nuit. Comment ne plus jamais t'aimer ainsi, comment faire pour que je t'oublie, dis-le-moi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala, parala, parala, parala, parala, parala. Je me dis que toi aussi. Parara, parara. Parara, parara. Parara, parara. Je me dis que toi aussi. Me dis que toi aussi. C'est un rêve, réveille-moi. C'est un fait, je n'y crois pas. Et c'est bien fait pour moi. Oui, c'est bien fait pour moi. Comment fait-on pour s'éloigner de soi? Comment sort-on de ses propres pas? Dites-moi. Quand soudain, sous le vent, sous le bruit de la pluie, sous la nuit titubant, titubant, sous j'ai fui. Je suis parti pour mauvaise raison. Je suis parti loin de la maison. Et depuis, sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Sous le ciel immense et sous mes draps, sur les bords de mer, je pense à toi. Quand je pleure, pleure et quand je ris, je me dis que toi aussi. Parala, parala. Parala, parala. Parala, parala. Me dis que toi aussi. Parala, parala. Parala, parala. Parala, parala. Me dis que toi aussi. Plus de tubes. Plus de son, plus de tubes. Espace. C'est reparti dans l'Open Show. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je vais rapidement rappeler les personnes autour de cette table parce qu'on est beaucoup aujourd'hui. Louis, toujours là. Toujours présent. Giorgio, notre invité de ce soir qui parlera d'ici quelques minutes. Bonsoir. Ça va toujours ? Très bien, oui. Très bien. Ouais. On parle de l'oiseau bleu dans quelques minutes, rassure-toi. Mickaël, toujours fidèle au poste. Toujours fidèle au poste. Et j'ai puis, un point. Un point, moi aussi. Hein, on a égalité. Et puis nous avons David Leroy ce soir que vous connaissez bien pour le programme télé. Ça va David ? Bah écoute, ça va plutôt pas mal, oui. T'as envie de nous faire peur ce soir ? Qu'est-ce que t'en penses ? Qu'est-ce que tu veux ? Il est trop fort. Je t'ai vu sursauter Dorian là, je t'ai vu. Un peu, oui. Oui. De quoi, il t'a sursauté ? Ouais. J'ai peur de toi en fait. Mais je sais. C'est une histoire de physique, tu comprendras plus tard. C'est ça. Mon physique de cricket lui en même temps, donc c'est pour ça. Comment ? Non, t'as un physique de cricket, toi. C'est insultant pour les criquets, quand même, je trouve. Ok, c'est la journée, je vais m'en prendre plein la tête. Merci, David. De rien, c'est un plaisir. Dès que je peux être désagréable, moi, de façon. Je sais bien. Bon, on revient à nos moutons. Alors, la vieille expression. Le tirage a été fait par une main innocente dans le studio. Exact. Eh bien, Dorian, c'est toi qui vas raconter ton histoire. Très bien. Donc, Mickaël va devoir deviner si elle est vraie ou fausse. Alors. J'ai peur. Moi aussi. Alors, Mickaël, ouais. Je vais t'expliquer. Un jour, je me promenais en forêt, en vélo. D'un coup, j'ai vu toutes les feuilles bouger. On pourrait croire que c'est le vent. Mais d'un coup, j'ai vu quelqu'un passer comme ça. D'un coup. Une espèce de lueur blanche. Et d'un coup, j'ai vu quelque chose en face de moi. Et au bout de 3 secondes, ça a disparu. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh, je dis que c'est vrai. Eh ben, c'est faux. Oh, c'est Mickaël qui va voir cette mixture. C'est ballot. On sent qu'il est vraiment dégoûté de voir cette mixture, Mickaël. Pour être très honnête, je pense sincèrement qu'il l'a fait exprès. Il va aller boire son petit truc maintenant. Pendant que David va nous raconter, tu nous raconteras comment c'était, Mickaël. Viens boire cette belle mixture, confiture de fraises, banane écrasée, chocolat, plus moutarde. Bois-en qu'une gorgée, sinon tu vas mourir. Donnez-lui la citrouille pour qu'il puisse vomir. Mais non, ça va pas. On nous filme. Regarde, vous pouvez regarder le podcast en vidéo. Bon courage. Ouais, j'espère. Attention, il boit. Plus, il y a des morceaux de banane, c'est vraiment. Oh mon dieu, cette tête. On voit vraiment qu'il a pas. C'est immonde. C'est immonde. Pour toi, il disait il y a quelques instants, partage. Ça peut pas être très sympa. Partage. Qui en veut ? Ça ira du tout. David, peux-tu bouger la souris qui est devant toi, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Alors, pour finir cette nappe, nous avons avec nous Mister David Leroy. David. Oui. C'est à toi maintenant. Oui, et qu'est-ce que tu veux savoir, mon petit poulet? Oui. Apollo Criquet, c'est le poulet. C'est ça, je vais passer par tous les animaux. Il me semble que toi, tu as quelque chose par rapport au paranormal et tu as déjà vécu des expériences de ce type. Est-ce que tu peux nous en raconter quelques-unes ce soir pour cette spéciale Halloween? Alors, paranormal plein, pour la simple et bonne raison, c'est que, en étant là, on déconne pas, hein, j'ai de véritables dons. Et ça tient de mon grand-père, de mon arrière-grand-père, de ma tante, etc. Ça a sauté une génération. Et donc, je ressens plein de choses. C'est-à-dire, je rentre dans un endroit. S'il y a eu des morts, je le sais. Je le sens tout de suite. Quand j'ai acheté ma maison pas loin d'ici, j'ai visité plein de maisons. Et la fille de l'agence immobilière était totalement dingue. Parce que je rentrais dans une pièce, et dans un endroit, et je disais, non, je visite pas. Je suis ah pas oui, bien. Carrément. Donc voilà, maintenant des trucs paranormaux, je discute très, très régulièrement avec ma grand-mère. Voilà, par exemple, et quand j'ai besoin de choses, je discute avec elle et ça revient, ça arrive, ça se produit. Enfin, il y a plein de choses comme ça au quotidien. Je vois des choses que les gens ne voient pas. Je ne sais pas, je peux te donner un exemple. Une fois, je dis à ma femme, tiens... j'ai vu l'ombre d'un homme passer, habillé comme ça, comme ça, comme ça. Je ne sais pas qui c'est. Et elle me dit, mais c'est mon grand-père qui est mort il y a 10 ans. Ah oui, quand même. Voilà, où je décris des situations, des scènes, des choses comme ça, qui sont arrivées. D'accord. Donc voilà, ça m'arrive très, très, très souvent. Tu sais que j'ai les frissons, t'es en train de me faire flipper. Non, mais c'est... En plus, là, moi qui raconte des bêtises toute la journée, machin... Hélas, mais ça m'arrive, c'est quotidien, c'est-à-dire que tu apprends à vivre avec, arrive un moment. D'accord. C'est-à-dire que je peux rentrer dans un magasin, je peux se croiser quelqu'un, je ressens des choses. D'accord. Voilà, mais il y a des endroits où je ne vais pas. Et petite question, du coup, dans le studio avec la déco actuelle, par exemple, est-ce que tu as déjà ressenti ou ici à la radio, non. Jamais. Non. Ici à la radio, non, sinon je ne viendrai pas. Non, mais je plaisante pas, quand je ressens ça, ça me rend malade, donc je rentre une fois, je m'en vais. Et c'est de la peur ou c'est plus une sensation désagréable? Non, c'est que ça me bouffe mon énergie en fin de compte. Quand j'ai ça, je me mets à transpirer énormément. Et ça m'est arrivé une autre fois, j'étais dans le Berry, chez des amis qui ont une radio également là-bas. Et c'était dans les anciens locaux. Je rentre, parce que comme tout passionné de radio, je vais aller visiter le studio d'antenne. Je rentre dans le studio d'antenne et là, je me mets à transpirer comme un porc, mais vraiment comme un porc, j'arrivais plus à respirer. Et je discute avec la nouvelle responsable et elle me dit c'est là où elle, parce qu'elle aussi a des dons, et elle me dit tu ressens des choses, je dis oui, je me sens pas bien, je respire pas, je suis pas bien, je veux plus rentrer dans ce studio. Elle me dit c'est normal, il y a eu deux morts ici. Ah oui, c'était une ancienne discothèque et ils se sont entretués à coups de flingue. Bon, ça me fait flipper. Bon Halloween à tous, c'est l'open show spécial Halloween. Merci David, on va repartir en musique avec quelqu'un tout à l'heure, ne t'en fais pas. D'accord, okay. On repart en musique. Non, mais je reste là, hein. Avec évidemment, un classique d'Halloween, Way Parker JR avec Ghost. J'adore ton accent. Sortez les aspirateurs, les gars. J'adore ton accent anglais. Ah oui, alors, JR, c'est pour Junior. C'est vrai. Voilà. Petit cours d'anglais avec Dorian. Voilà. Mais on aime bien la musique des SOS Fantômes. Bonne soirée à tous. Stick. guts. I ain't afraid of no guts. Info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. Quatre lycéens âgés de 15 et 16 ans ont été interpellés au Havre hier et placés en garde à vue. Au début du mois, ils avaient braqué des armes factices sur leurs professeurs d'anglais et de mathématiques. Trois lycéens seront donc convoqués devant le juge pour enfants sur ce motif. Un quatrième sera quant à lui entendu pour avoir filmé la scène. L'affaire n'a dans un premier temps pas été médiatisée et a été réglée en interne. Les enseignants n'ont pas déposé plainte. C'est le proviseur du lycée qui a finalement signalé les faits, vraisemblablement portés par le contexte d'une agression similaire à Créteil, dont a découlé le mouvement de colère des enseignants sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Pas de vague ». On poursuit avec deux accidents graves de la route qui se sont produits ce matin en Seine-Maritime en moins de 2 heures. Vers 7h30, un véhicule a fait une sortie de route suivie de tonneaux sur la route départementale 6014 à Ménil-Raoul, commune située à la lisière de l'Eure entre Rouen et Lyons-la-Forêt. Pris en charge par les pompiers, le conducteur se trouvait dans un état grave, mais son pronostic vital n'était pas engagé. Il a été transféré au CHU de Rouen. Vers 9h à Neuchâtel-en-Bray, une septuagénaire a fait un malaise au volant, puis a percuté un arbre. Gravement blessée, la victime a été elle aussi évacuée vers le CHU de Rouen. Un détenu a mis le feu à sa cellule ce vendredi vers 12h30 à la maison d'arrêt de Rouen. Des surveillants de l'établissement sont intervenus pour le sortir in extremis. Brûlé, il a été transporté au CHU de Rouen avant d'être transféré à l'hôpital des Grands Brûlés de Paris dans un état d'urgence absolue. Tout autre sujet, avant l'Armada, la métropole Rouen-Normandie lance un appel d'offres pour créer un réseau d'accès à Internet gratuit dans les lieux publics. D'ici le mois de mars ou d'avril, la collectivité espère la mise en place d'un réseau Wi-Fi gratuit sur 4 sites touristiques. Il s'agit de la place du Vieux-Marché, des parvis du Musée des Beaux-Arts, de la gare et de la cathédrale. Ces bornes Wi-Fi seront en capacité de gérer 50 connexions simultanément. Les entreprises candidates doivent imaginer un réseau aux capacités évolutives, histoire de pouvoir satisfaire bien davantage d'internautes si le besoin s'en fait sentir. Au chapitre gastronomie, la Grande Débarque, une opération de promotion de la coquille Saint-Jacques normande, est organisée à partir de mercredi prochain. 70 animations culinaires et dégustations sont proposées jusqu'au dimanche 4 novembre en Normandie et à Paris, dans les restaurants gastronomiques, les bistrots, les poissonneries, en boutique ou sur les marchés. Saviez-vous que la Normandie est la première région de pêche française en coquillage et en coquille Saint-Jacques? Explication de Dimitri Rogoff, président de Normandie Fraîcheur Mer. La coquille Saint-Jacques, c'est la première espèce de la pêche normande. Elle représente presque un tiers de la production de la pêche normande. Et pour la moitié des bateaux, ça concerne à peu près entre 50 et jusqu'à, pour certains bateaux, 100% de leur chiffre d'affaires. Après les affrontements en pleine mer fin août sur les dates d'ouverture de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans la Manche, les pêcheurs normands veulent défendre une activité artisanale et respectueuse des ressources. Une coquille normande plus chère que celle pêchée par les Britanniques. Les consommateurs paieront à peine plus cher la coquille Saint-Jacques en provenance de Normandie par rapport en provenance du Royaume-Uni. Et ça soutient une économie locale. On est sur une qualité aussi qui n'est pas la même du tout. Les chiffres de l'Ifremer montrent d'excellents résultats de l'abondance du gisement de coquilles Saint-Jacques en Baie-de-Seine cette année, avec une biomasse exploitable de 63 600 coquilles. Un reportage complet à retrouver dimanche dans vos éditions locales. Et pour conclure, du sport en basketball pour la troisième journée de Pro B ce soir à 20h30, les Rouennais accueillent les Bretons de Quimper sur le parquet du Kind Arena. En hockey sur glace en Ligue Magnus, ce soir, les Dragons de Rouen à l'extérieur affrontent les Lions de Lyon. Et tout de suite après le jingle, un point sur les prévisions météo pour demain. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. Journée maussade en perspective ce samedi sur le département de l'Eure, l'Aglo Rouennaise et le Pays d'Auge. Météo France prévoit une alternance de nuages gris, de risques d'averses et d'éclaircies tout au long de la journée. Le mercure en baisse indiquera au meilleur de la journée 8 degrés au Neubourg et à Rugles, 9 à Évreux, Pont-d'Audemer, Bernay, 10 à Rouen, Vernon-Gisors. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Merci beaucoup Solène. L'open show spécial Halloween continue dans quelques instants, juste après 3 cafés gourmands et Dan Balan. Ne bougez surtout pas et bonne soirée. Ready to drop, I do what your body won't say, nah, nah. We don't need much, I'm all ahead. Oh, mama, hey, I mix that waist with the rhythm. With just her a cappella. Shout to the world, you know this for everyone. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on

the line. When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. What's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Cut it till it bleeds out, a world without the peace. Face a bit of the truth, the truth. Nous sommes en direct dans l'Open Show. Merci d'être avec nous ce soir sur Espace. On est ensemble jusqu'à 21h pour cette spéciale Halloween avec un super studio ultra décoré par nos amis de l'association Louvanim. Et maintenant, on fait une petite pause dans le thème pour arriver sur un sujet un peu plus sérieux, puisqu'on parle aussi des associations locales sur Espace. On va parler de l'Oiseau Bleu 27, une association qui lutte contre l'autisme. Et bonjour Giorgio, le président de cette association. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir Dorian. Ça va ? Oui, très bien. Alors, on va parler donc de cette association et je vais laisser mon camarade Louis poser la première question. Une des questions les plus importantes, c'est depuis quand est-ce qu'existe l'Oiseau Bleu, justement ? Alors, c'est une jeune association. On a créé il y a 3 ans maintenant. C'est notre anniversaire. On a créé en octobre 2015. Ah, bon anniversaire. Merci. Alors, justement, Giorgio, Mickaël, qu'oublie mon micro. C'est très professionnel, hein. Non, on le vanne, mais il est super. Giorgio, quelle a été ta motivation justement pour créer cette association ? J'imagine qu'il y a un truc qui t'a donné le déclic. Alors oui, il y a un truc qui m'a donné le déclic, c'est la naissance de mon petit. Hein. Voilà, moi, j'ai aussi cette particularité, c'est d'être papa d'un enfant autiste de 7 ans, Eliès, qui est non-verbal et qui est autiste infantile. Voilà pourquoi l'aventure a commencé. Très bien, très très bien. Et du coup, une des questions qui peut se poser, c'est, les gens ne connaissent pas forcément plus que ça, c'est qu'est-ce que l'autisme justement ? Bonne question. Ah, c'est une bonne question et c'est la première fois que je réponds à cette question avec une citrouille en face de moi. Voilà, c'est un peu perturbant. L'autisme, c'est assez simple. Hein. C'est des troubles de la communication. Donc souvent, c'est des enfants qui ne parlent pas ou qui utilisent le langage assez maladroitement. Ensuite, il y a un souci sur les relations sociales. Les relations à l'autre, ça c'est toujours un petit peu compliqué pour ces enfants et ces adultes. Hein, parce qu'on parle toujours des enfants, mais il y a aussi des adultes autistes. Et le troisième volet, c'est des stéréotypies. Alors ce ce mot un petit peu gore, hein, qui va bien avec le thème, c'est effectivement des atypies, c'est-à-dire des mouvements un petit peu brusques, etc., qui peuvent paraître un petit peu étranges et paranormales là aussi. Et donc, c'est ce qui caractérise ces enfants-là. Très bien. Et justement, l'association est pleine de projets et a permis d'ouvrir une classe à Pose, une classe pour ces enfants autistes. Ça s'appelle le Nid Bleu. Est-ce que tu peux nous expliquer le parcours de ce projet en quelques minutes, quelques secondes même. Alors, ça, ça va être difficile de condenser. Non, fais le temps que tu veux, on rattrapera. Donc, effectivement, on a créé cette école parce que un des problèmes de l'autisme, c'est que c'est des enfants qui sont privés de scolarité. On estime à 20% le nombre d'enfants autistes scolarisés aujourd'hui, et quand on entend par 20% d'enfants scolarisés, parmi ces 20%, il y en a certains qui ont des temps partiels, voire très très partiels, de l'ordre de 1 à 2 heures par semaine de scolarisation. Donc on a décidé de créer cette école justement pour permettre à ces enfants que l'école de la République ne souhaite pas accueillir, ou alors ne savent pas accueillir, justement d'ouvrir cette école-là. Donc ça a été un parcours assez compliqué forcément, puisque on déplace un petit peu les codes, on est une école privée au sein d'une école publique, donc là aussi ça pose quelques problèmes d'organisation et de statut juridique, mais on y est parvenu depuis le 3 septembre, c'est ouvert et ça accueille 6 enfants avec autisme dans la commune de Pose. Très bien, et félicitations pour ça. Louis, dernière question pour cette intervention. Très bien, mais justement, comme c'est un gros projet qui est en cours, combien il y a de bénévoles et de membres qui entourent cette association? Est-ce qu'il faut des bras quand même? Alors, 20 secondes. Il faut énormément de bras. Donc l'association, à ce jour, c'est 220 familles réparties de façon à peu près homogène entre l'Eure et la Seine-Maritime, et des bénévoles, on en compte à peu près 100 à 150, des bénévoles réguliers qui nous aident à travers tous les événements. Très bien, merci Giorgio, et retrouvez l'Oiseau Bleu 27 sur les réseaux sociaux, c'est une très belle association et on est parrain d'ailleurs de cette association avec Espace. Merci Giorgio, on te retrouve tout à l'heure. Pour l'instant, voici David Leroy pour le programme télé de ce vendredi soir. C'est parti. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 26 octobre. Ce soir sur TF1, comme chaque semaine, des pitines enfants viennent chanter. Ils ont entre 6 et 15 ans, sont maquillés comme des camions volés, ce qui gâche un petit peu le truc, hein. Ça manque de naturel tout ça, hein. Sans parler des phrases à la noix, genre « je vais tout donner, hein, c'est la chance de ma vie ». Bon, et déjà, apprends à lire, écrire et compter, et après on parlera musique, un petit bonhomme. 23h15, vendredi, tout est permis avec Arthur et ses poulains, car oui, il invite la plupart des artistes qu'il produit sur scène, et ce soir, c'est une spéciale à la ferme. France 2, on l'appelait Ruby, un téléfilm français qui se passe dans la belle région du Pays Basque. Une ado est retrouvée morte, mais qui a pu faire une chose pareille? France 3, un documentaire sur l'un des plus grands poètes et chanteurs français, Jean Ferrat. 22h55, le divan de Marc-Olivier Fogiel avec Lio qui vient s'allonger à côté de lui. Bon, hé, généralement, t'as pas trop besoin d'insister parce qu'elle est chaude comme une baraque à frites. Canal, Justice League, c'est Batman qui essaie de sauver le monde, puisque Superman est mort. Quoi ? Il est mort, Superman, et personne ne m'a prévenu ? Non, c'est comme si on me disait que Casimir n'était pas réel, je peux pas y croire. Arte, tout pour ma fille. Une femme apprend que sa fille est atteinte d'une tumeur. Le genre de film qui m'angoisse et que je n'ai pas du tout envie de regarder le soir. M6, bulle toute la soirée avec des inédits et des rediffs. Le meilleur de la TNT, C8, Jean-Luc Lemoyne est en prime avec l'une des dernières de TPMP refait la semaine, puisque cette émission va se retrouver à 19h. On dégage Mathieu Delormeau pour laisser place au talent Jean-Luc Lemoyne. 22h40, balance ton poste avec Hanouna qui prouve une fois encore qu'il est très bon et qu'il s'adapte parfaitement en fonction des sujets traités. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. D'habitude, on le remercie à distance, mais comme il est en face de nous, je le remercie. Merci David pour ce beau programme télé. On continue dans cette spéciale Halloween de l'Open Show. Bienvenue si vous nous rejoignez, que vous soyez même sur les routes. En ce moment, faites très attention à vous. Et puis, si vous nous écoutez du côté de Rouen, n'hésitez pas, il y a plein d'événements en cours en ce moment. On vous parlera d'ailleurs d'événements Halloween dans quelques minutes. Mais pour l'instant, c'est l'heure des actus de Louis spécial horreur avec du local cette fois-ci. Et on va parler, Louis, de l'abbaye de Mortemer possédée par la Dame Blanche. En effet, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quelque chose qui va te faire peur, puisque ce n'est pas non plus très très loin de chez toi, Dorian. il faut savoir que cette abbaye a été fondée en 1134 par le roi d'Angleterre, et c'est pendant la Révolution française de 1789. À ce moment-là, il ne restait que 4 moines qui étaient fidèles et vivaient en harmonie. Eh bien, ces moines furent persécutés, pourchassés et assassinés sur le domaine. Alors évidemment, c'est quelque chose d'assez glauque. L'abbaye fut ensuite vendue plusieurs fois jusqu'en 1985, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée par l'association de l'abbaye tout simplement de Mortemer. Alors, plusieurs faits, comme tu l'as dit, la Dame Blanche, effectivement, est apparue à plusieurs reprises, mais il y a d'autres faits importants qui sont arrivés. On ne dit pas qu'elle est là, parce que ça se trouve, elle est cachée derrière un roll-up et tout, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, dans ça va aller. D'ailleurs, de toute façon, si tu la vois et qu'elle porte un gant noir, tu risques de mourir dans l'année, si tu la vois là-bas. En revanche, si elle porte un gant blanc, c'est signe de naissance ou de mariage. Ça peut être quand même plus sympathique. Mais repartons dans le paranormal, puisque c'est le flippant, cache et méchant. On a eu plusieurs témoignages qui ont eu lieu, comme un ouvrier agricole en 1960 qui aurait été terrorisé par des bruits nocturnes. Des bruits nocturnes dans cette abbaye. Il faut savoir qu'elle est quand même pas mal encombrée, puisque beaucoup de pierres de l'abbaye ont été vendues au fur et à mesure de ses rachats. Il y a des présences invisibles terrifiantes aussi. Et un soir, le plus violent fut une des filles de monsieur de la Ruelle, qui est un des propriétaires de l'abbaye, qui, pendant qu'elle travaillait dans la chambre rose, a eu beaucoup de sensations d'observation ou autre, s'est retournée plusieurs fois stressée, mais il n'y avait rien, mis à part sa chemise de nuit qui est tombée comme si elle avait été tirée par la porte. Ça me fait peur tout ça. L'abbaye de Mortemer. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, il y a plein d'animations d'ailleurs à l'abbaye de Mortemer. Et pour finir, en même pas 40 secondes, l'église d'Incarville qui serait hantée par l'ancien prêtre, raconte-nous ça. En effet, l'abbé de Lamar a eu son corps enterré dans le cœur même de l'église. Il faut savoir qu'il était complètement amoureux de ce village et de ses environs. Et le seul témoignage vraiment flippant qu'on peut retentir, même si ce n'est pas violent, c'est qu'on pourrait l'entendre murmurer selon certaines sources. Il viendrait en effet le soir respirer l'air de l'église et l'entendrait au loin du coup son souffle. Derrière toi. Arrête. Sachant, Dorian, que c'est à peu près à 5 minutes, nous pourrons peut-être aller faire un tour si tu veux. Ah, il m'a fait sursauter. David, refais plus ça. Hein. Merci pour cette intervention. Vous êtes qui, monsieur ? Je ne sais pas. En plus, vous verrez les photos de la décoration du studio sur les réseaux sociaux, mais il y a des personnages un petit peu étranges qui nous entourent, donc l'ambiance s'y prête. Merci Louis pour ces actus. N'hésite pas à aller faire un tour à l'église d'Incarville. Mais surtout avec toi. Et n'hésitez pas à voir tout seul sur l'abbaye de Mortemer, puisqu'il y a beaucoup de faits, c'est super intéressant. Très bien. Merci beaucoup Louis. C'était local. Donc l'église d'Incarville, hein, si vous avez envie de voir par vous-même si cette histoire est vraie ou fausse, allez faire un petit tour. Je m'arrêterai quand j'irai faire les courses à la grande surface à côté. Très bien, tu me diras ce qu'il en est. Pour l'instant, en mode souvenir, comme d'hab, avec Michael Jackson, c'est Thriller sur Espace. Passez une très bonne soirée dans cet open show spécial Halloween. A tout de suite. Another moonlight, you see us like that all. Soyez les bienvenus les Normands, les Picards, si vous nous rejoignez sur Espace en ce vendredi soir dans l'Open Show spécial Halloween, il est 20h, les infos. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. La préfecture du Finistère a annoncé que 5 personnes ont été incommodées la semaine dernière par une exposition au métham-sodium dans le département, mais leur état n'a pas nécessité d'hospitalisation. Le gouvernement a décidé plutôt de suspendre l'utilisation du métham-sodium, ce pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâches jusqu'à fin janvier 2019, après la survenue récente de plusieurs cas d'intoxication de personnes lors de traitements phytosanitaires, selon un décret publié aujourd'hui au journal officiel. Un homme a été tué et 14 personnes blessées, dont 12 pompiers, dans un incendie qui a ravagé ce matin un entrepôt dans une zone industrielle de Saint-Paul dans l'ouest de la Réunion, se propageant à des entreprises voisines. C'est une étincelle provenant d'un poste à souder qui aurait mis le feu à des cartons. L'un des hommes qui travaillait sur les lieux est mort piégé par les flammes. Des pompiers ont été blessés en lui portant secours et d'autres incommodés par les fumées. Le parquet turc a lancé une procédure d'extradition contre 18 Saoudiens soupçonnés d'implication dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul, a annoncé le ministère turc de la Justice. Le parquet d'Istanbul a remis les noms des 18 suspects au ministère de la Justice qui les a à son tour transmis au ministère des Affaires étrangères pour que la demande d'extradition soit adressée aux autorités saoudiennes par les canaux officiels, a précisé le ministère dans un communiqué. Une personne a été arrêtée dans l'enquête sur les colis suspects adressés à des personnalités anti-Trump, selon un porte-parole du ministère américain de la Justice. C'est la première arrestation depuis le début de l'enquête, alors que le nombre de colis suspects retrouvés depuis lundi est grimpé à 12 ce matin. Ce 12e colis était destiné à James Clapper, directeur de la National Intelligence sous la présidence de Barack Obama. Enfin, l'album posthume de Johnny Hallyday, Mon pays, c'est l'amour, s'est vendu à 780 177 exemplaires en une semaine, un chiffre historique et un record en France pour un démarrage. Au terme de son premier jour de commercialisation, l'album avait déjà atteint des sommets avec 300 000 ventes physiques et il était devenu disque de diamant en 3 jours. Toujours dans l'Open Show spécial Halloween, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez ce soir, on se fait peur. On parle monstres, citrouilles et fantômes. Ça va Louis ? Oui ça va, si je peux juste corriger, c'est pas on se fait peur, c'est on te fait peur surtout. Possible, un petit peu. Mickaël, ça va toujours ? Ça va toujours et on a toujours des places de cinéma à faire gagner. Exactement, j'allais en parler. En plus, il y a au cinéma... Il y a David qui fait peur à Dorian. Arrête de faire ça, je suis cardiaque. Il y a Charles de Poule qui est sorti au cinéma mercredi. Exactement, et on vous fait gagner des places de cinéma pour le cinéma des Anglis. 0950 35 50 50 pour vous les procurer. Maintenant, on appelle, je crois, une auditrice. On ne l'appelle pas, on l'a déjà. Ah oui, mais c'est Margot, non, c'est ça ? Dans le monde, oui. Oui. Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir Margot, ça va ? Oui, vous. Très bien, tu nous écoutes dans la voiture, j'imagine, en ce moment. C'est ça. Ça te plaît, cette spéciale Halloween ? Ah oui, c'est très intéressant. Très bien. Et justement, Louis, rappelle-nous le thème de cette émission. Alors, le thème de cette émission, tout simplement, c'est le paranormal, les histoires paranormales que tu as pu vécu, ou alors ce que tu penses du paranormal en général si tu n'as rien vécu. Exactement, raconte-nous tout ça. Alors, moi, je pense que le paranormal, c'est très intéressant. Que ça, pour moi, ça existe réellement, que c'est pas vraiment du faux. Mmh. Et oui, j'ai déjà vécu des choses un peu bizarres, j'avouerais. Explique-nous, raconte. Par exemple, sentir des sortes de présences. Oui. Mais en fait, on ne voit pas vraiment la personne. On a l'impression qu'on nous observe, mais pourtant, il n'y a personne autour de nous. C'est souvent ça qui arrive. D'accord. Je l'ai ressenti aussi souvent, aussi, cette sensation. Ah bon ? Oui, c'est très perturbant, en fait, en soi. Ah ouais ? En pleine nuit, tu te réveilles, sans savoir pourquoi, et tu te sens observé. Je dis ça comme ça, mais en même temps, la boule de cristal s'allume dans le studio. Tu disais, Margot, pardon ? Non, mais c'est un peu ça, je suis d'accord avec... avec Louis, avec votre collègue, mais... Collègue, c'est à peine. Ouais, c'est vraiment le rôle parce qu'on ne supporte pas spécialement. Donc, ils sont pas amis dans la vie. Pas du tout. Margot, merci en tout cas. Et est-ce que tu as déjà vécu quelque chose qui t'a vraiment terrifié dans le paranormal ? Ah non. Non. Mais je sais que récemment, prochainement, je vais aller peut-être visiter des maisons hantées dans le coin. Très bien, et bien surtout quand tu iras, ne m'appelle pas. Oui. Vas-y toute seule, ça ira très bien. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Margot de nous avoir appelé ce soir, et puis fais attention à toi sur la route, c'est important. Merci, bonne soirée. Bonne soirée à toi, salut. Je rappelle,

and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, someone, someone. Eh bien voilà, vous écoutez le Poncho avec Dorian, Louis. Alors pour vous dire qu'en fait ils sont sur la route, ils vont bientôt arriver sur le lieu dit, comment dire, un peu pour faire flipper Dorian. Bah oui. Bah oui, on sait bien qu'il est, bah, c'est un guerrier, c'est un warrior en fait. Oui, c'est un petit criquet. Voilà, il fait juste ça pour l'émission en fait. Mais alors dans l'allemand, je pense qu'on les a là. Moyen chef. Tu m'entends, Michael ? Oui, je t'entends. Ok, parfait. On arrive sur les lieux. Bon, vous allez décéder, c'est pas grave, mais ça fait de l'audience. Bon, Dorian, je t'explique ce qui va se passer. Dis-moi tout. Comme tu vois, le bâtiment devant lequel nous sommes, c'est un bâtiment qui est abandonné depuis quelques temps maintenant. Je suis pas rassuré, mais du tout. Nous avons passé quelques instants. Il fait complètement noir. C'est bien. Nous avons juste la lumière de nos téléphones pour nous orienter. Donc là, nous sommes dans le lieu. Tant que vous avez de la batterie. Tant qu'on a de la batterie, tout se passera bien. En effet. Alors, on va ouvrir la petite grille qui est là. Oui. Les moyens. C'est déjà une coupure. Coupure. Il fait que c'est Dorian, le propre bourreau, qui ouvre sa propre porte de la mort. Oui, mais ça coupe déjà, vous savez. Vous allez plus beau... rien sentir. Ok. Dans la zone, il fait complètement nuit. C'est incroyable cette sensation. On a préparé le matériel cet après-midi. En fait, on a mis en place le dispositif HF pour que ça puisse passer en bas. Mais c'est une cave, en fait. C'est une cave. Oh, mec, c'est quoi ça, à ton avis? Regarde, c'est cassé de partout. C'est Loana. j'ai pas le retour dans mes oreilles, mais j'imagine bien David Riquel en train de bien rigoler, là. Ah bah, bien sûr. Mec, c'est incroyable. Il fait entièrement noir, on voit rien du tout. Il faut que tu lui fasses peur. Bah, c'est bien Loana. Comme il n'entend pas, tu peux lui faire peur maintenant. Ouais, t'inquiète. C'est prévu légèrement. Oh punaise. Faut qu'il gueule un peu. Hein, parce que sinon attends, il y a un couloir là-bas. Regarde, on voit rien. On va pas aller là-bas quand même. On visite. Tu avances. Alors. Pour vous situer le truc, on est totalement dans le noir, dans un endroit abandonné. Donc. Le truc, c'est qu'on n'a même pas David pour nous dire si c'est quelque chose qui s'est passé. Tu vois. Non, mais laissez-moi tranquille. Sent rien. Moi, je rigole seulement. Qu'il n'y a rien. Est-ce que tu peux faire peur à Dorian? Mec, t'as vu? Voilà. Mec, c'était quoi ça? Mec, attrape-le. C'est le vent. Bon, on a entendu un bruit sourd, comme un claquement. Mais ça doit être le vent sur les volets. Attends, je passe sur le téléphone. Parle dans le téléphone. Ah ben, je crois qu'ils sont décédés, ça y est. Ouais, on capte plus par le HF. On capte plus? Faut que tu passes sur le micro du téléphone. Okay. Bon, pour le... Ouais. Nous entend plus. Ça, c'est peut-être du paranormal, ça, à mon avis, ouais. Des interférences. Ouais, je pense que... ouais, mais mine de rien, le paranormal a sauvé la vie de Dorian, peut-être, alors. Oh, mec, regarde. Regarde cet ancien placard, mec. Ouvre le placard, Dorian. Ouvre le placard. Tu veux que... Placard. Oui. Pour vous dire, ça fait vraiment mais flipper de ouf. Hein. Non, mais ce qui est flippant, c'est qu'on voit rien au bout du couloir là-bas, mec. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. Ah mais non, mais arrête. Hey, ce mec est fou. J'ai pas le retour, mais juste pour vous dire, là, je suis pas rassuré du tout. Bon. Ça me fait peur. Non, il faut que tu sois détendu. Il faut que tu sois détendu, respire un petit peu. Allez. Il te dit de respirer, Dorian. Oui, voilà. C'est mal parti. Il va se voir quelqu'un qui va s'arrêter. Non, maintenant, on a envoyé une équipe pour vous enfermer jusqu'à lundi. C'est tout, c'est pas grave. Ah, cool. Donc, ils envoient juste une équipe pour nous enfermer jusqu'à lundi. Ça va pas, non? Bon, si on peut plus rigoler, aucun humour dans cette radio. Mais en vrai, tu sais que le couloir là-bas me donne froid. Mec, j'ai genre une sensation dans le dos, quoi. Mais c'est là.

J'ai eu le temps de souffler. Non, mais arrêtez que ces musiques-là. Est-ce que... J'ai eu le temps de souffler un petit peu. C'est quoi cette photo? Est-ce qu'on leur décrit juste ce qui s'est passé quand t'es revenu du studio? Vas-y, explique, parce que moi j'ai plus la force. En gros, en revenant du studio, Dorian était un peu à la traîne en train de se remettre de ses émotions. Et Mickaël et David, toutes les autres membres de l'équipe, lui avaient préparé une petite surprise fort sympathique. Je vous laisse aller checker les réseaux sociaux pour comprendre. Je vous mets la vidéo tout à l'heure sur le Facebook Espace Normandie, mais j'ai eu très très peur. Je suis une flippette en vrai, je m'en rends compte moi-même. Ah mais c'est bon, mais vous pouvez aussi l'avoir en avant-première tout de suite sur mon Facebook Louis Radio. Tiens, je fais ma petite promo en même vas-y, temps. Vas-y, vas-y, glisse ta petite promo. Alors maintenant, on va parler, le temps que je reprenne mes esprits, hein, pardonnez-moi, mais on va parler de quelques événements qui se passent au niveau d'Halloween dans la région. Alors tout d'abord, je tiens à embrasser très fort nos amis de l'association Louvanim à Louviers. Ils nous ont offert ce soir toute la décoration du studio que vous découvrez d'ailleurs sur les réseaux. Et ils vous donnent rendez-vous ce mercredi 31 octobre de 14h à 17h. Dans la cave du Moulin de Louviers pour un après-midi spécial Halloween pour les enfants avec notamment un grand spectacle de magie, des distributions de bonbons, des jeux et rallyes Halloween et plein d'autres choses. Vous pouvez toujours réserver au 07 78 64 11 39. Et rendez-vous également du côté de Saint-Aubin-d'Écrouville le 3 novembre prochain à la salle polyvalente à partir de 19h30 pour une soirée Halloween également organisée par le comité des fêtes. Un repas dansant, un concert et une soirée paella, le tout dans l'ambiance qui fait peur. Et puis rendez-vous également avec le CFVE à Passy-sur-Eure ce dimanche et ce mercredi pour les trains de la Citrouille. Vous pouvez réserver au 02 32 36 04 63. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des événements. Mickaël, ça t'a bien fait rire le défi là tout à l'heure, j'ai entendu. Oui. Ah bah oui. Tu parles du retour, c'est ça? Oui, même les deux, même le... Oui, ça vaut le détour. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas de caméra, vision nocturne pour voir. Oui, c'est dommage, mais bon, on a un petit budget ici. Hein, mais bon, on fait que quand même, vu la déco qu'on a aujourd'hui, voilà, c'est quand même beau. Offert par Louvanim. Merci Valérie, je t'embrasse fort. Bon. Petite déclaration d'amour. Ouais, peut-être tu vas finir par te marier avec elle. Peut-être, qui sait. Mariage par intérêt. Sait, ton âme sœur. Ouais, on ne sait pas. Alors, si vous souhaitez nous appeler pour réagir sur la thématique du jour, n'hésitez pas, 02 32 25 3000. C'est que pensez-vous du paranormal? Et si vous avez déjà vécu une expérience, racontez-nous. Giorgio, tiens, justement, comme il nous reste un petit peu de temps, est-ce que toi, tu aurais vécu une expérience de ce type paranormal dans ta vie? Et qu'est-ce que tu penses du paranormal? Ah non, mais la soirée est paranormale. Là. C'est ouais, sûr. C'est surréaliste. Hein. Non, j'ai jamais vécu de choses extraordinaires. Mais et t'en penses quoi ? Ce qu'on vit ce soir, c'est vraiment extraordinaire. Ah bah merci. Ouais. Et t'en penses quoi ? Bah, j'en pense que c'est un petit peu flippant. Voilà. Ouais. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre. Donc voilà, je crois pas fondamentalement à tout ça. Mais quand on voit tout ce qui nous entoure, forcément, ça nous fait réagir. C'est sûr. Et on va parler d'ici quelques minutes avec toi de l'oiseau bleu. Et n'hésitez pas, il y a plein de fantômes dans ce studio. Et les personnes présentes dans le public ce soir vont payer ce qu'elles m'ont fait hors antenne. Pour pas l'instant. Pourquoi tant de représailles ? Pourquoi tant de haine dans ce monde de brut ? Parce que vous m'avez fait peur. Mais allons. Le soir, pour toi, j'ai pris de la chantilly dans la tête quand même. Oui, bah, c'était rien à côté de ce qui m'est arrivé là. Excuse-moi. Oui, bien sûr, bon, oui. C'est étant dit en parlant. Ah oui. Tu m'as fait faire un manège aussi. Ouais. Oui, bah, ça c'est rien, ça va. Hein. C'est rien, c'est la chair de poule. De chair de poule, c'est sorti au cinéma mercredi. Exactement. Si vous voulez aller au cinéma. Absolument. Mercredi. Et on vous fait gagner toujours des places de ciné au 0950 35 50 50. Après cet open show un peu flippant, on retrouvera Manu pour le Funky Mix des 21h. Alors ce que l'on vous propose maintenant, juste avant les infos avec Solène, c'est d'écouter 3 minutes de Funky Mix. Michael, un avant-goût. Ouais. C'est ça. On a chargé ça dans la machine et puis vous allez voir, Manu fera beaucoup mieux tout à l'heure au platine. Absolument, bonne soirée. Funky Mix, la première émission funky, non-stop. Funky Mix. Info régionale, Normandie-Picardie. Bonsoir à tous. 4 lycéens âgés de 15 et 16 ans ont été interpellés au Havre hier et placés en garde à vue. Au début du mois, ils avaient braqué des armes factices sur leurs professeurs d'anglais et de mathématiques. 3 lycéens seront donc convoqués devant le juge pour enfants sur ce motif. Un 4e sera quant à lui entendu pour avoir filmé la scène. L'affaire n'a dans un premier temps pas été médiatisée et a été réglée en interne. Les enseignants n'ont pas déposé plainte. C'est le proviseur du lycée qui a finalement signalé les faits, vraisemblablement portés par le contexte d'une agression similaire à Créteil, dont a découlé le mouvement de

Santiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, Thiago, Thiago, j'ai pris le temps de t'écrire une mélodie en mille sourires. Thiago, j'ai mis le temps pour le dire. Mais mon ami, je suis là pour le pire. Thiago. Bienvenue, si vous nous rejoignez dans cette spéciale Halloween de l'Open Show, vous êtes toujours sur Espace, en Normandie, en Picardie, du côté d'Honfleur, de Lisieux, de Bernay, de Louviers, d'Évreux, des Andelys et de plein d'autres endroits. Et on retrouve maintenant Giorgio Loiseau, président de l'association L'Oiseau Bleu 27, qui, je le rappelle, est une association qui lutte contre l'autisme et qui s'occupe de familles avec des enfants atteintes d'autisme. Giorgio, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Tu ne te trompes pas. Très bien, je connais pas mal cette association, comme nous tous autour de la table. On a bien révisé nos fiches avant le début de cette émission. Louis, on va continuer l'interview de Giorgio. Quelle est la question que tu aimerais lui poser ? On a parlé tout à l'heure du Nid Bleu, qui est la classe, je le rappelle, ouverte à pause pour les 6 enfants autistes. Tout à fait, donc c'était un projet quand même très ambitieux et très très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres projets futurs dans le même style, en fait, prévus ? Alors oui, on aimerait ouvrir d'autres Nids Bleus un petit peu partout en France. On a beaucoup de demandes d'autres associations ou des parents qui aimeraient se lancer dans l'aventure. Et on ambitionne aussi de faire des vacances adaptées aussi. Voilà, c'est le nouveau projet de la nouvelle année qui s'approche, 2019. Très bien, bonne idée, les vacances adaptées, on aime plutôt ouais. bien. Et j'espère que, en tout cas, Giorgio, avant qu'on finisse, hein, je voulais te féliciter pour tout ce que tu fais pour ces enfants et avec l'association, car franchement, c'est un beau parcours et de belles choses. Et franchement, vu toutes les étapes par lesquelles tu es passé avant de créer tout ça, tu peux être très fier de ce que tu as fait, je le pense sincèrement. Merci beaucoup. Alors, y aura-t-il d'autres places à pourvoir dans le Nid Bleu à la rentrée 2019 ? Ça, c'est une bonne question s'il y a des parents qui nous écoutent ce soir. Alors, c'est une excellente question. Malheureusement, en fait, on accueillera 6 enfants, donc ça sera en fonction des sorties. On ne pourra pas prendre, on n'ira pas au-delà de 6. Donc voilà, ça sera vraiment en fonction des parcours de chacun. L'idée étant de. Le Nid Bleu, c'est une classe passerelle vers autre chose. Donc si les enfants ont de bonnes dispositions à réintégrer le milieu ordinaire, forcément, ça fera de la place pour les suivants. Très bien. Eh bien, on le souhaite en tout cas. Louis. Est-ce qu'il y a des manifestations de l'Oiseau Bleu tout au long de l'année ? Enfin, quelles sont-elles, en tout cas ? Alors oui, on en a quelques-unes. Hein. On vient d'en passer une à Louviers, justement, avec la course de canards. Adopte un canard, absolument. Voilà, qui a mobilisé beaucoup de gens. On a mis à l'eau 3250 canards. Mais on a aussi la vague bleue, qui a lieu à chaque mois de septembre sur la commune de Pont-de-Linche. Et demain soir, il y a le Zumbaton. Absolument, voilà, j'allais y venir. C'est important. Donc, c'est la quatrième édition ce soir. Zumbaton qui est proposé par. Demain soir, pardon. Voilà. Autant pour moi. Et c'est organisé par Virginie qui nous fait l'honneur d'organiser ce Zumbaton au profit de l'association. Très bien. Donc, en gros, c'est 3 heures de Zumba intense et les bénéfices des entrées sont reversés à l'association. Exactement. Très bien. Exactement. Eh bien, on ira faire un passage avec Louis demain. Oui, c'est promis. Tout à fait. Justement, tu as parlé de la vague bleue à Pont-de-Larche tout à l'heure. Pourquoi pas, dans les années futures, plusieurs vagues bleues en même temps ? Dans plusieurs endroits, ça pourrait être quelque chose. Alors c'est une idée au top, hein, voilà. Bon, il faut de l'énergie pour mobiliser. Absolument, tout ça, c'est sûr. Mais néanmoins, ça peut être effectivement un vrai projet parce que ça suscite beaucoup d'intérêt vis-à-vis des gens. Donc voilà, c'est un vrai événement festif autour de notre cause qu'est l'autisme. Très bien. Et du coup, là, puisqu'on peut profiter un peu de la portée qu'on a, si tu devais convaincre les auditeurs ce soir sur le fait qu'il faut se battre pour aider les gens atteints d'autisme, que leur dirais-tu, tout simplement ? Qu'effectivement, ce n'est pas un handicap qui est isolé. Hein. En France, il y a 650 000 autistes. Hein. C'est pas à la marge. Donc, il y a beaucoup de gens. On a besoin de se mobiliser. C'est des enfants, c'est des adultes, c'est des adolescents qui sont impactés. Et donc, on a besoin vraiment de se mobiliser pour les aider. Parce que si on ne le fait pas, nous, qui va le faire ? C'est sûr. Merci beaucoup, Giorgio, d'avoir été là. On te remerciera en plus tout à l'heure, mais merci beaucoup. Et n'hésitez pas à retrouver l'Oiseau Bleu 27, cette belle association qui lutte contre l'autisme. Ils ont des partenaires avec Espace et nous serons là donc demain soir au Zumbaton. C'est promis. Pour l'instant, on retrouve David Leroy pour la programmation télé de ce vendredi soir. David, t'es à côté de moi et c'est à toi. C'est maintenant. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le vendredi 26 octobre. Ce soir sur TF1, comme chaque semaine, des pitines enfants viennent chanter. Ils ont entre 6 et 15 ans, sont maquillés comme des camions volés, ce qui gâche un petit peu le truc. Hein. Ça manque de naturel tout ça, hein. Sans parler des phrases à la noix, genre « je vais tout donner, hein, c'est la chance de ma vie ». Bon, hey, déjà, apprends à lire, écrire et compter, et après on parlera musique, un petit bonhomme. 23h15, vendredi, tout est permis avec Arthur et ses poulains, car oui, il invite la plupart des artistes qu'il produit sur scène, et ce soir, c'est une spéciale à la ferme. France 2, on l'appelait Ruby, un téléfilm français qui se passe dans la belle région du Pays Basque. Une ado est retrouvée morte, mais qui a pu faire une chose pareille ? France 3, un documentaire sur l'un des plus grands poètes et chanteurs français, Jean Ferrat. 22h55, le divan de Marc-Olivier Fogiel avec Lio qui vient s'allonger à côté de lui. Bon, hé, généralement, t'as pas trop besoin d'insister parce qu'elle est chaude comme une baraque à frites. Canal, Justice League, c'est Batman qui essaie de sauver le monde, puisque Superman est mort. Quoi ? Il est mort, Superman, et personne ne m'a prévenu ? Non, c'est comme si on me disait que Casimir n'était pas réel, je peux pas y croire. Arte, tout pour ma fille. Une femme apprend que sa fille est atteinte d'une tumeur. Le genre de film qui m'angoisse et que je n'ai pas du tout envie de regarder le soir. M6, bulle toute la soirée avec des inédits et des rediffs. Le meilleur de la TNT, C8, Jean-Luc Lemoyne est en prime avec l'une des dernières de TPMP refait la semaine, puisque cette émission va se retrouver à 19h. On dégage Mathieu Delormeau pour laisser place au talent Jean-Luc Lemoyne. 22h40, balance ton poste avec Hanouna qui prouve une fois encore qu'il est très bon et qu'il s'adapte parfaitement en fonction des sujets traités. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. On est reparti pour l'Open Show spécial Halloween. Il va être temps bientôt de conclure cette émission, mes chers camarades. Et Louis, comment tu te sens après cette spéciale Halloween ce soir ? Franchement, c'était super. Je me sens limite triste, en fait, pas par rapport ou autre, mais c'est juste que ça se finisse, quoi. Et oui, c'est toujours beaucoup de préparation, mais on se retrouvera au mois de novembre pour de nouvelles aventures et une spéciale Noël au mois de décembre qu'on prépare déjà. Oui, Mickaël ou David ? Non, c'est pour David. D'accord, David, parle, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a ? On m'appelle ? Mais je sais pas, Mickaël fait signe, donc j'imagine que tu voulais parler. Que se passe-t-il ? On conclut. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé de cette spéciale Halloween paranormal ? C'était une belle gaudriole. Ça t'a plu ? Mais oui, c'était très sympa. On a été ravis de t'accueillir. Je reviendrai peut-être un jour. Et faire part à Dorian, ça t'a fait quelque chose, c'était cool quand même. C'était quand même mon petit bonheur du jour. Mais tu as eu raison. J'ai réussi. Comme quoi, les petits plaisirs les plus simples sont les meilleurs aussi. Les plaisirs les plus simples sont les meilleurs aussi. Oui, voilà, le voir souffrir un peu. Espèce de... Oui, de... Continue, Dorian. T'es imbécile. Je te rappelle que tu es grand comme mon bras droit. Arrêtons les fans. Maintenant, on va donc. David, tu vas rigoler d'ailleurs sur cette séquence. Oh, tu crois que je vais rien ? Oh, sûr. Les pires covers. Qu'est-ce que c'est ? Alors, dis-moi tout. Les pires covers trouvés sur YouTube. Et vous connaissez le titre de 3 cafés gourmands, à nos souvenirs. Évidemment. Eh bien, comment je vous propose on fait pour ne pas le connaître avec toi à côté de nous, de toute façon. C'est ça. Je vous propose d'écouter une reprise d'excellence. Écoutez ça. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me saper et d'elle? Oublier qu'on est frère, mais le corps est à l'air. Oublier ce matin. Ah si, je reconnais ta voix. C'est obligé. C'est obligatoire. Non. Tu es parti loin. C'est un peu mieux en fait. C'est un level au-dessus quand même en fait. Pour l'entendre tous les jours dans le studio, c'est un level au-dessus. On va couper. On va couper. Ouais, attends, Mickaël, juste deux secondes, tu l'as encore là, le cover là ? Ouais. Est-ce que tu peux juste aller sur la fin ? Parce que dans les 3 cafés gourmands, il y a pa, y a pa, pa, pa, pa. Et lui, il a fait une version tout autre. Quoique, je me demande si c'est pas Ludo. S'il écoute, il va être content. C'est pas grave. Attention, écoutez-moi ça. Excellence. Ah, mais non, c'était pas là. Bon, passons les au suivant. Joies c'est du direct, mesdames, messieurs. Passons au suivant. Voilà. Parce que sinon, on n'aura plus assez de temps. Non, mais on va mettre ça sur le fait que tu as peur d'Orion, plein de choses qui te perturbent comme ça. On peut dire ça. Non, il a peur de Ludo surtout. aussi, ça fait partie. Moi, j'ai reprise décidé de sur Ludo. Reprise de Tant pis de Rock Voisine. Non, là n'est pas la question. Et je. Ah, ben ça, je reconnais. Ah ouais, c'est qui ? Dorian. Mais Dorian est capable de faire beaucoup de styles, hein, tu verras, c'est incroyable. Ça, c'est Dorian à 4h du matin. Tu sais, à 23h, il est comme ça déjà. Hein. C'est pas faux, mais avec modération, bien sûr. On peut couper. Merci, Mickaël, parce que là, c'est une atroce pour nos tapons. Ah, c'est catastrophique. Est-ce que tu comprends ce que je ressens tous les soirs quand je suis avec toi? Bah, parce que vous êtes ensemble, hein, ils viennent de faire leur coming out en direct, c'est ça, non? On ne voulait pas le dire de cette façon, mais voilà, David. On sait, on fait plein de choses ensemble. Ah non, ça m'arrange pour les papiers. Avec Mickaël, on ne juge pas, nous. Hein, ah non, nous, on ne veut que votre bonheur à tous les deux. Non, mais c'est pas ça, c'est que Dorian, voilà, il est venu me voir un peu, j'avais un peu pitié, il avait besoin de papiers, donc j'ai fait, bon, allez, prends les papiers, je veux bien. Et voilà. Là, là, j'en prends plein la tronche ce soir, c'est agréable. Mais vous verrez. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Vous verrez au mois de novembre, dans la prochaine émission, je me vengerai. Mais non, tu dis ça parce que t'es en colère, pour en plus je serai pas là. T'inquiète c'est pas, pour ça surtout en fait. Mickaël prendra pour toi. Bon, en tout cas, il est temps de remercier tout Quel le monde. Quelle coquine ce mec, t'as vu un peu. Tout le temps, j'adore. C'est un truc de fou, cette radio, je ne reviendrai plus. Merci David d'avoir été là ce soir avec nous. On a été ravis de t'accueillir. C'était un plaisir, mon petit criquet. Mais de rien, Hagrid. Attends, il se lève. Ah oui, il est vraiment grand en fait. En vrai, on l'appelle comme ça parce qu'il fait presque 2 mètres, même au-dessus des 2 mètres, je crois. Mais non. Non. Non. Ah bon. Non, pas du tout. Et voilà, il veut faire une. Voilà, il fait presque 2 mètres. Non, je fais pas 2 mètres. 3 mètres 50. Disons les choses, s'il vous plaît. Non, soyons précis. Il faut être précis. C'est la radio. 1m97. C'est ça. Merci David. Merci Mickaël de nous avoir été là encore une fois dans cette émission. De rien. On est ravis. Et il paraît que demain. Je reviendrai la prochaine. Ouais. Il paraît que demain, tu vas amener tes petits bouts de chou dans le studio. Ouais, faire peur avec les pauvres. Merci Georgiou. Profitez un peu. Absolument. Merci Georgiou d'avoir été là ce soir. Merci et n'hésitez pas à aller voir l'Oiseau Bleu encore une fois sur les réseaux sociaux. Une belle asso qui lutte contre l'autisme et on la soutient de tout cœur avec Espace. Merci mon petit Louis d'amour. Oh mais tant d'amour, c'est incroyable. Mais merci à toi de m'avoir invité encore. Mais avec grand plaisir et un énorme merci à vous tous de nous avoir suivis. Je remets l'intro à chaque fois. Mais oui, t'as raison. Merci de nous avoir suivis pour cette Open Show 2. On se quitte avec Way Parker JR Ghostbusters. Junior Ghostbusters. On se retrouve au mois de novembre pour la prochaine. Ciao. Who you gonna call? Ghostbusters! If something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Who can you call? Ghostbusters! An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Avec Espace, je suis Manu. L'émission s'appelle Funky Mix, Total Funk, partout en Normandie et en Picardie.